Bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota, la voix communautaire pour les informations, les programmes et les heures sur la station KFAI 90.3 à Minneapolis FM et à 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. Bonjour Caryl. Bonjour Olaf. Et bonjour notre invité. Bonjour. Bonsoir Claire. Bonsoir. Claire, pardon. Bienvenue mes amis à une jeune femme qui est ici. Dites-nous votre nom, Claire. Claire Destanque. Claire Destanque, qui vient de... France. Bien sûr. De Rambouillet. Rambouillet. Oui. Alors, Rambouillet, c'est où exactement pour les... C'est à peu près à 30 km de Versailles et à une heure de Paris. Et c'est à Rambouillet le quoi, c'est la maison du président, là? C'est la résidence d'été du Premier ministre. Oh, le Premier ministre, oui. D'accord. Et il y a la forêt de Rambouillet, n'est-ce pas? C'est très, très connu, oui. Et on a la bergerie nationale, avec des moutons qui n'existent que à Rambouillet. Alors, pourquoi êtes-vous venue ici à Minneapolis-Saint-Paul? Je veux devenir professeur des écoles en France et je voudrais améliorer mon anglais. Du coup, je trouvais que c'était une bonne occasion de venir dans une école américaine pour faire les deux, pour apprendre à devenir enseignante, voir les méthodes d'enseignement ici et pouvoir améliorer mon anglais chez une famille d'accueil. Eh bien, vous restez en famille ici, n'est-ce pas? C'est ça. Et c'est la meilleure façon d'apprendre. Oui, c'est une très, très bonne façon. C'est une immersion totale. Oui, d'accord. Anglais ou français, tu penses, Ola? We would like to hear you in English, too. Oh, OK. Maybe a little, but just a little bit. Oh, well. Did you have a hard time understanding people? No, it's quite easy to me to understand people. It's more difficult to talk because, I don't know, I'm more afraid to talk than understanding is more easy for me. Oh, wonderful English. Thank you. Here in America, everybody finds a French accent charming. Tell us what you are doing for work. Je suis... Oh, in English? English now. Mm-hmm. Okay, so I'm just an assistant at the French immersion school at L'Étoile du Nord Saint-Paul, and I'm just helping the teacher in the class with the kids and during the activities, during the teaching, all the time. What age group of children do you have? I have like the second grade and the third grade. Oh, that's a nice age too. Yeah. Mostly. Usually. And I will repeat to our listeners that the École du Nord is a public school, therefore no tuition for that school. Exactly. It's in place of regular schooling. What do they have? Are all of their classes in French? Yes. Almost the whole day, just at the end of the day, the kids have a little bit of English class, but the whole day is in French. So the teacher speak only in French to the kids, and they need to respond in French, but it's a little difficult for them. So for the moment, it's the beginning of the year, so they speak English, but maybe after a time they... To start to speak French. Est-ce qu'il y a des écoles d'immersion comme ça en France? Non. Pas du tout? Non, on a... Pratiquement pas du tout. Presque pas. C'est des écoles pour les expatriés. Oui. Mais on n'a pas d'école d'immersion primaire. On a des classes bilingues quand on commence le collège, middle school. Oui, oui. Mais il n'y a pas ça. Ah oui, donc c'est quand même une bonne idée. Mm-hmm. Très. Je crois que le plus jeune qu'on commence, le meilleur, c'est... Oui, parce que exactement. Les enfants sont plus flexibles. Oui, quand ils sont plus petits, c'est beaucoup mieux pour apprendre une langue. Oui, beaucoup plus facile pour eux. Il y en a qui sont frustrés quand ils ne trouvent pas le bon mot en français. À l'école ? Oui. Pour les... En général, ils passent à l'anglais rapidement. Donc, ils ne sont pas très frustrés, mais il y en a qui essayent vraiment de parler français et de... Oui, de parler français et d'essayer vraiment, même s'ils ne savent pas tous les mots, s'ils manquent de vocabulaire, ils essayent et c'est, je trouve ça formidable. Alors, dans quelle classe est Isabelle ? Elle est en deuxième, je pense. Troisième. Oh, troisième. Là, je vais me faire attraper là quand même. 8 ans, à peu près. Elle aura 8 ans. Et il me semble qu'elle parle très très bien. Je ne suis pas l'interne dans sa classe, mais je sais qu'elle... on m'a dit qu'elle parlait très bien, qu'elle parlait bien français. Et non, je pense qu'elle comprend très bien et qu'elle essaye de parler, mais à la maison, elle ne parle pas français. tu as des questions, Ola ? Papa, on va mettre de la musique là maintenant un petit peu. Et, oui, après j'aurais une question de demander quelles sont les chansons, quels sont les chanteurs qui sont en vogue en France en ce moment, sans doute. Ah oui. Claire va savoir. Claire est beaucoup plus à la pointe que nous. Hein. c'est difficile à trouver des disques français. Des CD en français. D'accord. Ici. On peut les commander de Amazon. Mm-hmm. Ou Fnac. On peut les commander oui, de oui, Fnac. On peut demander par Fnac. Ça, j'ai jamais essayé. Oui. Ça, c'est une bonne idée. Mm-hmm. Parce qu'ils ont une sélection formidable. Bon, on va commencer avec une chanson qui par un groupe qui s'appelle le Quatuor. Quatuor. Le poinçonneur de lilas. C'est une chanson par Serge Gainsbourg. Et ça vient d'un album pour fêter Serge Gainsbourg, qui n'est plus avec nous, mais qui était vraiment un écrivain et un compositeur doué. C'est l'histoire d'une personne qui devait passer toute sa journée à faire des petits trous dans des billets de métro. Dans les tickets de métro, c'est ça. Bon, ça n'existe plus. Hein. Non. Heureusement. On a des machines. Ça, c'est vraiment tuer l'esprit. Oh là là. Toute la journée de faire des petits trous. Et ça va être suivi par Jeanne Chéral et Émilie Loiseau, qui est in et qui est out. C'est de Serge Gainsbourg aussi. Les voilà. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, trop de croisières. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits d'urine et leur digeste. Et dans ce bouquin, y a écrit que les gars ça coule douce à Miami. Pendant ce temps-là, je fais zouave au fond de ma cave. Paraît qu'il y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je

in the sun and walk in the woods, but that's the only job he could get. So that's kind of a sad story, but we can be pretty upbeat, because now there are not a single poinçonneur. People just walk in, or they jump over the they pay, and then the little mechanical gate opens or turns, but many people just jump over it and don't pay. That's how it goes. And the other one is Jeanne Chérat and Émilie Loiseau in Qui est in et qui est out. Obviously, I mean, this is very important for some people to be in and to know if they're in, and other people who may have been in, they are out, or they have already always been out. But anyway, this a song by Serge Gainsbourg. And, actually, they come from a film, or they were first presented in the film by Joan Sfar, who also is an author of very famous bande dessinée, the comic strips. Mm-hmm. Well, bande dessinée is not exactly a comic strip. I mean, it's a little it's bit different. More. Yeah, it's yeah. Something else. Est-ce que Claire, est-ce que vous aimez bien les bandes dessinées? Bandes dessinées? Oui, quand et lesquelles est-ce que sont ceux que vous préférez là? J'aimais beaucoup quand j'étais petite. On en avait beaucoup à la maison. J'aime beaucoup Astérix. Oh oui. Oh, Astérix. Et oui. Tintin. Oui. Tintin, oui. Les Schtroumpfs. Oh, les Schtroumpfs, oh, oui. C'est les petits bonhommes bleus. Les bonhommes bleus. Oui. Et Gaston Lagaffe aussi. C'est un homme qui va au bureau tous les jours et qui n'arrête pas de faire il lui arrive tout le temps plein de malheurs, et c'était très très drôle. Et voilà, je pense que c'est celle que j'ai le plus lue quand j'étais enfant. Où est-ce que vous avez lu ça? Dans un livre? Oui, les bandes dessinées, c'est des albums en fait. Oui. Et oui, c'est mon père qu'on avait plein. Oh. Oui. Ah oui, parce que c'est moi j'aimais bien Tintin. Oui, moi et aussi. Astérix. J'ai même trouvé un petit jouet de Tintin. De Tintin. Dans sa voiture rouge. Mm-hmm. Et malheureusement, il y avait Milou qui manquait. Ah oui, Milou. J'aime bien Milou aussi. So Tintin is. Do they have Tintin here? And they must have oui, it, but it's ça not. Existe, it's not. Mais pas, it's not. Ici, on lit les journaux. Mm-hmm. Les journaux pour voir. Les bandes dessinées. D'accord. Yeah, and they c'est beaucoup plus développé en France. Oui, c'est le pays de la bande dessinée. Mes grands-parents habitent Angoulême et chaque année, il y a le festival de la bande dessinée à Angoulême. Il n'y en a pas, oui? Si, chaque année, il y a le festival. Uh-huh. No, here, I mean, I've never seen any in the comic strips of the comic section. No. You never see any... Any of those, although Tintin is I think, very nice, very good. And Asterix is something that people here probably would not appreciate as much as people in France. You Parce que c'est un petit Gaulois, non? Oui, c'est oui. Quelque chose de très, très français. Oui. Non, j'ai entendu dire que même il y a un centre de dessin animé au centre Pompidou. Oui. On peut étudier. Parce que c'est plus sérieux. Il y a pas mal de films qu'on a fait aussi. En dessin animé, oui. On dit films dessinés ou qu'est-ce qu'on dit? On dit des dessins animés. Oui, maintenant, ils font ça directement dans oui. Ou des films animés, oui, ils sont... Dans le temps de Walt Disney, il faisait chaque pose était dessinée une après l'autre. Donc, c'était un travail fou. Maintenant, c'est fait en... Ça va plus vite. J'ai une annonce pour vous et nos auditeurs. Llegó el momento de colaborar con KFAI. It's time to give. Now is the time to ensure KFAI stays on the air, to be the broadcast voice for all of the Twin Cities communities. Music, art, foreign language programs, in-depth news and public affairs are all broadcast every day, thanks to your membership support. Done hoy at kfai.org. Give today at kfai.org. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. AMPERS.org has hundreds of music, arts, and cultural stories, including many produced here at KFAI. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Alors, on va continuer avec quelques chansons. Mais oui, c'est pour ça qu'on est alors, ici. Voici Catherine Major qui vous chante Dans l'air au-delà. Qui c'est Catherine Major? Québécoise qui a reçu le prix Félix Leclerc pendant la Francofolie de Montréal. Ça va être suivi par Michel Greidelsamer, Je me réveille. Né en Israël, Michel Greidelsamer voyage partout le monde maintenant. Il est compositeur, artiste, voix et violon. On l'a surnommé MG Sunshine. Alors, d'abord, Catherine. Dans l'au-delà, on s'ennuie. On regarde le bout de la botte de l'Italie. Nuages au pied, on veut botter. Le cul tout gris des jaunes et de pluie. Dans l'au-delà, tu fais sa loi. Y'a ni whisky, ni bière, ni crédit. Y'a Morrison qui chante à l'eau. Un gigolo sans rhum, ça détonne. T'es haut de l'au-delà, descendez-moi. Ramenez-moi sur terre dans tes yeux pâles. Y'a des menus santé, désolé. Oméga 3, carotte bêta. Café des cas, moitié moins de gras. Dans l'au-delà, y'a Dalida. Gaspard se bon, reste prend pour Adam. On est ferré, mais on n'a pas l'air. Avec le temps, tout va, tout fout le camp. T'es haut de l'au-delà, descendez-moi. Rappelez-moi, sur terre, dans tes yeux pères. T'es haut de l'au-delà, ramenez-moi. Et au D.A. Qui vend ses plats plus chers en enfer, au paradis capitaliste, monte à tout prix. C'est pas terminé, je veux être ici demain aussi. Cette nuit passée va m'accompagner. Qui donc a dit que c'est un bon jour? J'en trouve un œil et je vois mon amour. Je lui dis d'où je suis, bonjour. On s'en met à dormir en contre-jour. Thank you. fait pas, rayon de soleil sur le violon. Les rêves du matin nous les garderons. Je me réveille et je dis salam pour un matin de passé. Et c'est pas terminé, je veux être ici demain aussi. Cette nuit passée va m'accompagner. Qui donc a dit que c'est un bon jour? J'ouvre un œil. You heard Catherine Major, who is a, well, she comes from Quebec, and she presented Dans l'au-delà in the Beyond, in the, well, sometimes this could be in the other world or in the next world. Sometimes au-delà may just be somewhere off the horizon. And she has gotten the Prix Félix Leclerc in Montreal. And Félix Leclerc, we've passed some of his songs. He was one of the best-known French-Canadian singers. And the second one that we heard was Michel Greisamer. And he, Je me réveille. Well, what can you say about waking up? I mean, you have to wake up, but he is a very good his songs are very, very upbeat, which you saw on this, even as he gets up in the morning. So this is, he sometimes they call him Mr. Sunshine. Now, if you jump out of bed and are very alert, you c'est pas moi. You can be called Mr. Sunshine. Or faut avoir mon café. Yeah. Bon, alors, merci Olaf. Et nous avons le plaisir de recevoir Claire Destin. C'est ça. Et elle est... Est-ce qu'on vous appelle interne ou quoi? Oui, on dit qu'on est des internes à l'école. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette école d'immersion? Qu'est-ce que vous faites? Je m'occupe, je suis comme l'assistante du professeur. Je m'occupe des enfants pendant les activités. On assiste le professeur pendant les leçons. Et le plus important, on leur parle français. Parce qu'on est, français, donc c'est, c'est très important qu'ils aient aussi l'approche de la culture, puisqu'ils sont beaucoup dans l'approche de la culture française et tout ça. un peu de vous, Claire. Vous êtes, votre famille là-bas, vous avez des frères, des sœurs? Oui, j'ai deux frères. Ils sont plus jeunes que moi. Plus jeunes? Ah, c'est vous, la grande sœur. Oui, c'est moi la chef. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de devenir professeur? Ou est-ce que vous allez être maîtresse ou quoi? Maîtresse dans une école primaire. Et j'ai toujours voulu faire ça. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire ça. Donc je pense que j'ai eu des très bonnes profs à l'école primaire et ça m'a donné envie de moi aussi d'enseigner. Et moi aussi, je peux me rappeler des noms de mes maîtresses d'école. Et toi, Olaf? Moi, j'ai eu que des maîtres. Ah bon? En Allemagne, c'était que des hommes. Que j'ai des eu hommes? Très peu de femmes. Tiens. Dans mon temps. Maintenant, c'est différent. Ça a changé. Peut-être les femmes ne travaillaient pas autant que maintenant. Maintenant, il y a beaucoup plus de maîtresses en France que de maîtres. Mais avant, c'était que des maîtres, pareil. Et pour le système d'éducation, est-ce que vous recevez un programme pour l'année, pour la maîtresse ou... Non, les professeurs nous donnent un peu les directives pour la journée et ça se fait au jour le jour. On n'a pas vraiment le programme de l'année. Ah, et en France? Je ne sais pas encore parce que je n'ai pas fini mes études. Mais le ministère de l'Éducation nationale envoie les programmes chaque année et on doit les respecter. Les finir. Alors, bien sûr, votre famille vous manque, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez les contacter de temps en temps et comment? Oui, j'ai fait par Skype dimanche. Skype. Oui, c'est très pratique parce qu'on peut se voir aussi. Et il me manque, mais pour l'instant, ça va parce que je suis arrivée que depuis 2 semaines. Donc, ça va. Quand ça va avancer dans l'hiver, ça sera peut-être plus dur. Oui, on vous a déjà parlé des mini-jotas et l'autre. Et de la neige, oui. Bon, combien de... La différence, combien d'élèves est-ce que vous avez en classe normalement en France? C'est à peu près pareil qu'ici. À peu près pareil. Uh-huh. En primaire, en tout cas, au collège, c'est un peu plus. On peut être jusqu'à 30 dans les classes. Et au lycée... entre 30 et 35. Et les heures d'enseignement, c'est quoi? La journée est découpée différemment. Je pense qu'au final, ça fait les mêmes heures, mais on commence beaucoup plus tôt, vers 8h30. On a une récré le matin. La pause du déjeuner est beaucoup plus longue. On a, en général, les enfants, ils ont entre 1h30 et 2h pour manger. Oh. Ça me manque parce que j'ai qu'une demi-heure et c'est très difficile. Après, il y a encore des classes, une autre récréation, et la sortie de l'école se fait à peu près vers 16h de l'après-midi, 4h, en règle générale. Mmh. Et ils n'ont pas cours le mercredi après-midi. Et le samedi? Non. Ah, samedi après-midi? Non, ou ils n'ont ils ont pas cours toute la journée, oui. Ah ben, qu'est-ce que c'était encore le jour férié? Une fois par semaine, c'est le jeudi ou quoi? Qu'est-ce que c'était? Ah, avant? Oui. Avant, c'était le jeudi. Maintenant, oui. C'est le mercredi. Oui, bon, mais seulement l'après-midi. Non. Oui, à cause des nouveaux horaires. Toute la journée? Le mercredi, avant, c'était toute la journée. Maintenant, c'est juste l'après-midi, puisque c'est un peu compliqué. Les horaires de l'école ont beaucoup changé ces dernières années. Il y a eu des grosses réformes par rapport à ça. Donc, ils ont cours le mercredi matin. Point de vue vacances, combien de vacances est-ce que vous avez en France? Beaucoup. On a 10 jours pour la Toussaint, c'est entre octobre et novembre. Yeah. 15 jours pour Noël, 15 jours en février, c'est les vacances d'hiver, et 15 jours à Pâques, et 2 mois de grandes vacances. Mm. Formidable. C'est trop bien. You have to explain this once more in English, just yes. So much that those who are listening, that they really know how things are done in French school. So you have 10 days? Yeah, in All Saints. For All Saints Day. All Saints Day, yes. Yeah. 2 weeks for Christmas, 2 weeks in February, and les vacances de Pâques, and 2 weeks at Easter, and 2 months on the summer, July and August. Hmm. Wonderful. That's pretty good, yes. Do you think they work harder, though? With the all the vacations, perhaps you have to work hard to get everything in. Yeah, but at the school, the expectation is more higher in France. Les attentes des professeurs sont beaucoup plus élevées en France qu'ici. Yeah, les enfants ont beaucoup plus de travail, de devoirs et de... Le rythme est beaucoup plus soutenu en classe. Par exemple, on va pas, enfin, il n'y a pas de tapis pour s'asseoir, pour écouter la leçon, tous faits aux tables, au pupitre des élèves. Non, in France. Oui, en France, oui. Yes. Well, I have been told that an American or a degree from the lycée, if you pass the bac and all, mm-hmm. it's worth about 2 years. High school, French high school, or yeah, American we, high school. Okay, in France, you have 3 years in high school, mm-hmm. and on the second and on the third one, you have your baccalaureate with the most best test in France, and all people talk you about it since you have like 5 years old, so it's a big deal to have, yeah. So. Government tests that everybody must take. Yeah, exactly. But again, children in France are divided into different pathways, aren't they? Mm-hmm. In mm-hmm. America, they all continue in the same everybody in the same school, right? When do they change in France? When do the kids go different pathways? When we enter at high school. And on the middle of high school, so mostly. There's the university track, the kids going to university. No, it's more complicated. Mm-hmm. It's you have like the general side, the professional side, professional. And technological side. Okay. So technology. That it's little bit complicated. Donc si vous allez faire les études d'être instituteur ou professeur, quelle branche est-ce que vous prenez dans ce cas-là? Dans quel choix vous prenez? Il faut faire un bac général et après faire un master à la fac. Ok. Et donc. Il faut choisir le master professeur des écoles et après ça, il faut passer un concours et avoir son master pour pouvoir enseigner. Tell me, what did you do for the bac? You even have tests and physical education or gymnastics, don't you? What did you do to test for the BAC, physical education? We need to choose 3 sports, and we evaluate during the year for sport, for physical education, and for the other class, we evaluate at the end of the year during 1 week, and all day you have like 1 or 2 exams. So someone told me that their final test was to climb a rope up to the ceiling once. No, it's not hard, but it's a big deal. And here we grade students A, B, C, D, or F. What do they grade there? Percentage or numbers? No, it's numbers. Like 1 is the lowest note and 20 is the higher one. Higher grade. Yeah, yeah. So. Does anyone ever get a 20? On baccalaureate? Mm-hmm. Yeah, yes. Oh. In mathematics, the most. Yeah, because in French it's more. It depends, but in mathematics, you can have 20. Mm. I thought that was just a wonderful thing that no one ever... No, it's not a dream. Encore des questions? Bon, tout à l'heure, peut-être, mais on peut mettre une chanson ou deux. Il faut écouter quelque chose ici. OK. The Internet Geeks and IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? C'est quelque chose de plus moderne. Oh, non. Non, non, Zaz. Zaz. Qui est connu, Zaz? Oui. Oui. Très. Très connu, oui. Bon, enfin, j'ai trouvé ce disque, ce CD, mon dernier voyage, en septembre dernier, à Paris. Mais c'est très difficile, comme je dis à Claire, de trouver des disques de nouveau. On voit des classiques, mais difficile à trouver des nouveaux. Alors, Zaz, c'était de son dernier album qui s'appelait Paris. Et c'est un duo avec Nicky Yanofsky. J'aime Paris. Et ce qui est intéressant, c'était produit par le célèbre Quincy Jones, qui est très connu en jazz. Ça va être suivi par Complainte de la Butte, avec Zaz aussi. Sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup passionnant. Moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Oh, Saint-Vincent, un poète et une inconnue. Sa mère l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue, un matin de printemps, l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. En ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. La lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui. Well, we heard Zaza, Zaz, I mean, not Zaza, Zaz, in J'aime Paris. So that's one of hundreds of songs about J'aime Paris. And but there are a couple of around where they say, I've forgotten Paris, but only very, very few. I mean, the great majority, the overwhelming majority, likes Paris and sings about it. And the second one was Complainte de la Butte. And this is the La Butte de Chaumont. It's a park and a... Pas Montmartre? No. La Butte, c'est Chaumont. And so you can walk there and you can go to restaurants and so on. And this La Butte sometimes have complaints about the people who kind of walk through there and don't pay attention or are not behaving right and so on. And... Zaz gives an expression to that. So that was La Butte. Est-ce que vous avez été sur la Butte Chaumont? Oui. OK. Et c'est aussi, ils font du film là, non? Oui, ils font des films dessus, oui. Et il y a des studios là autour. Je crois que oui. Oui. On m'a dit que c'était dangereux d'y aller maintenant. À la Butte Chaumont? Je sais pas, ça fait. Je sais pas. Une amie qui, je crois qu'elle a un peu de peur de tout. De venir à Paris maintenant. Eh ben, alors, une annonce. Support for KFAI comes from The Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin or at efetus.com. Il est presque l'heure, mais on peut toujours parler avec notre invité, Claire. Oui. Voilà, merci bien. De rien. Toi, tu as des questions pour elle? Oui, je voulais savoir exactement comment les jeunes en France maintenant, comment elles absorbent la musique, les tubes. Radio, par ordinateur, par... On a toujours la radio dans les voitures, mais maintenant les jeunes ils utilisent plus leur téléphone portable et les ordinateurs pour télécharger des musiques. Pour le téléphone ? Oui. Ah. Et des applications, et c'est comme ça qu'on écoute la musique maintenant. On n'achète plus trop de CD. Et donc vous vous abonnez à certains programmes qui vous offrent ça ou... gratuit ou comment ça se passe? Moi j'utilise une application, elle est gratuite, mais si on veut choisir la musique qu'on veut écouter, c'est payant. Mais du coup ça fait, on peut choisir l'artiste et ça nous met plusieurs chansons de l'artiste, donc c'est bien aussi. Et sinon il y a toujours YouTube qui est très bien. Qui sont les artistes que vous choisissez? En ce moment en France, on parle beaucoup de Louane, qui a participé à l'émission The Voice. On a The Voice aussi en France. Moi, j'aime beaucoup Trio, c'est un groupe de musique française. Oui, ils sont très connus. C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Et j'aime beaucoup aussi Les Insus, c'est le nouveau nom du groupe Téléphone, qui s'est reformé. Et je sais que maintenant, le chanteur Renaud revient aussi avec un nouvel album en ce moment, oui. Ah oui, je l'aime bien. Oui, moi aussi. C'est celui qui a la gouaille parisienne. Oui, un petit peu, oui. Alors, un peu de Stromae. Ok. Ok, on va écouter d'abord. Stromae, et c'est de son premier album qui s'appelait Cheese. Le titre, c'est Summertime, parce que c'est presque fini. Oui, il faut faire vite. Hein, oui. Ooh, ooh, ah, wah, ah, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient de Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, ride aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y'a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y'a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui voit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. y a la scène. À n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux. Ce sont ses amoureux à la scène. Et y a ceux qui ont fait leur nid près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravel sur la Seine. Les ennuis, il y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans chaque faubourg et chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota sur la station KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul et Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint-Paul. Radio without boundaries. And the song you just heard was by Zaz. So and she sang about La Seine. Donc, after Paris, I think the number of songs about the Seine just follows it very closely. So you heard her in Paris, J'aime Paris, and in La Seine. Donc, what more? What better combination can you hope for? On va retrouver Stromae après. Hein? Dans une minute. Alors, nous sommes vraiment gâtés d'avoir une très jeune femme ici qui est maîtresse ou qui va devenir maîtresse. Exactement. Et qui enseigne les petits Américains maintenant dans l'école d'immersion qui s'appelle l'Étoile du Nord à Saint-Paul. Elle s'appelle Claire Destanck. Alors, merci bien d'être venue. Merci à vous de m'avoir invitée. Donc, vous avez déjà venu aux États-Unis pour faire un voyage ou... Oui, je suis venue en vacances un mois l'année dernière, en juillet, au Texas. Au Texas. Quelle différence est-ce que vous voyez? Pour l'instant, pas beaucoup, à part l'accent, mais sinon c'est à peu près la même chose. D'accord. Nous, on voit beaucoup de différences, enfin moi. Pour le Texan, l'accent? Oui, pour... Ah oui, mais c'est l'accent Minneapolis. Minnesotain, c'est le plus pur. Ça dépend, alors. Il y a beaucoup d'influences des Suédois et des Norvégiens qui sont venus ici. Qui sont ici, oui. Oui. Surtout au nord de l'État, on garde encore des mots. Oui, mais la diction de Minnesota est une des meilleures du pays. Oui, c'est ça. Ça, il n'y a pas de question. Donc, espérons-le. En New York, il mâche les mots. En la Nouvelle-Angleterre, c'est hautain. Oui. En Texas, on ne comprend rien. Et peut-être en Californie, mais Californie a un certain accent un peu affecté. Ah. Oui, mais Minnesota, c'est... Mais en France, c'est pareil, on a plein d'accents partout. Ah oui, ça, du sud et... Marseille, l'accent Marseille. Oui, du sud, du côté de Marseille, mais il y a le sud-ouest aussi, c'est très spécifique, et le nord. Et après, il y a des langues régionales en Bretagne et en Alsace et en Corse aussi. Oui. Mais le meilleur français, c'est à Tours, c'est ça? Ah, je n'en ai aucune idée. C'est ce qu'ils disent. Ok. Pardon? C'est ce que j'ai appris, que le meilleur accent, c'est dans la Touraine. Ok. Non, je ne savais pas. Ouais. Enfin, peut-être aussi dans la forêt de Rambouillet. Et la nourriture ici, ça vous manque, la bonne cuisine française? J'avais peur en venant ici de manger trop gras, mais je suis dans une famille d'accueil qui fait très bien à manger et qui aime les vrais fromages français, donc je suis très contente. Ah oui, bah, heureusement, parce que pour un français, ça va... On souffre, n'est-ce pas, sans la bonne nourriture. Oui, on aime vraiment bien manger en France. Oui. On a aussi, plein de... D'ailleurs, je ne suis pas française d'origine, mais de cœur. Oh, c'est gentil. Ben, il faut nous parler un peu de Rambouillet. Comment c'est, Rambouillet? C'est à taille humaine. C'est pas trop grand et c'est pas trop petit. Il y a tout ce qu'il faut. On a des magasins, on a un grand centre-ville et on a un super parc avec un très beau château. Donc le château de Rambouillet qu'on peut visiter et qui est également une partie du château, c'est la résidence d'été du Premier ministre. Mmh. Et on a une très très grande forêt qui est très connue. Et donc la bergerie nationale, comme je vous le disais, qui est aussi très connue en France. J'ai entendu. Et c'est la Beauce, ça? Oui, ou est-ce qu'on parle un peu plus loin? Non, c'est dans la Beauce. On est à la limite de la partie banlieue et de la partie campagne, en fait. Oui. Donc, c'est un très bon environnement. Et votre école, là-bas, c'était tout près ou il fallait voyager un tout petit peu? Mon université? Non, votre... lycée. Mon lycée, c'était à un quart d'heure à pied de la maison. Mon école primaire, pareil. Et l'université, par contre, c'est dans une autre ville. C'est où est-ce que vous étiez à l'université? J'ai été 2 ans à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est pas très loin de Versailles. Et l'année dernière, j'étais à Gennevilliers, qui c'est au nord de Paris. Pas très loin de Saint-Denis. Mmh. Mmh. Alors, après votre séjour ici, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais finir mon master, donc il me reste 2 ans d'études. Et ensuite, je vais commencer à enseigner aux enfants. Oui. Donc, vous comptez rester en France ou voyager à l'étranger? Je voudrais voyager. Je voudrais aller dans les écoles françaises à l'étranger. Oui. Non, j'aime vraiment voyager. Oh, il y a tant d'endroits où vous pouvez aller. Mm-hmm. Tahiti? C'est une île française, d'ailleurs. La Réunion. Donc, c'est pas... Oui, c'est français. Oui. Mais plus à l'étranger, j'aimerais beaucoup enseigner dans les écoles françaises au Canada, par exemple. Ah oui? Oui. Ce serait bien. Ils sont très sympas, les Oui, Canadiens. Très. Donc, qu'est-ce que vous en dites à ce Stromae? Vous prononcez Stromae ou Stromae? Stromae. J'ai entendu les deux. On prononce Stromae. Stromae parce que c'est maestro. Mm-hmm. Alors, ce que j'ai annoncé avant, c'était Stromae. Qui chante, c'est de son premier album qui s'appelait Cheese en anglais. Et la chanson, c'est Summertime. Et ça va être suivi par Dodo. Qu'est-ce que c'est Dodo, Claire? It's sleep, but for the little children. Pour les tout petits. Pour les tout petits enfants.

car il se fâchera encore une fois et il te fera ce qu'on lui faisait et il te dira que c'est ta faute à toi que les grands hommes mâles ne pleurent pas mais qu'ils se battent enfin battent leurs femmes et surtout leurs enfants et tu pleureras oui c'est pas grave et tu oublieras tu verras tu feras de l'enfant de bébé dormira bien vite de l'enfant de bébé dormira do, do. Quelquefois dormir pour que papa ne se lève pas même si tu ne seras qu'un peu moins triste quand il disparaîtra et encore beaucoup de fois dormir et enfin tu te reposeras pas tout de suite mais dans longtemps très longtemps tu dormiras ah ah ah ah enfin tu dormiras ah ah ah ah enfin tu dormiras ah ah ah ah enfin tu dormiras ah ah ah ah Well, we heard Stromae, first in Summertime, and he sings about, well, obviously, I mean, the summertime, but and how things are nice in the summertime. But, I mean, luckily, I mean, Summertime, in, actually, if he had sung it in French and in English, he would have sung about Central Daylight Savings Time. And can you imagine that in a song? Would be very hard to accommodate. But probably Stromae would. The second one is Dodo, which is a, well, children's word for falling asleep or go to sleep. But this little child doesn't, they don't let her sleep or let him or let the baby sleep. I mean, the father has things to do, the mother wants to do something, and the poor little thing is trying to sleep. And, well, somehow or other, in the end, it will finally come to rest and faire Dodo. Oui, Claire, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour Stromae? Parce que c'est un grand tube en France. Tout ce qu'il fait, c'est... Oui. Quelquefois, c'est triste. Oui, il est très connu en France, mais souvent dans ses chansons qui sont... où le rythme est très soutenu et plutôt joyeux. Souvent, c'est des chansons tristes qui se cachent derrière. Mais c'est... Oui, c'est un compositeur formidable et... Et il n'est pas français, il est belge d'ailleurs. Il est belge, oui. Mmh. Il parle, dans une de ses deux chansons, il parlait de papa taper maman ou quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment assez triste. Oui. Hein, le gosse qui regardait. Oui, non, c'est, les chansons ne sont pas toujours très drôles. C'est autobiographique aussi, je crois. Peut-être. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas du tout. Non, ça, on peut pas dire, mais au moins, il a quand même d'autres chansons, par exemple, où il parle de, d'être, je veux dire, personne non européen, dans le sens ses ancêtres, etc., et trouver la place dans une société comme ça, c'est toujours, ça doit toujours être traumatique. Voilà. Alors, on va commencer maintenant avec quelque chose de nouveau qui nous est arrivé de RFI, Radio France Internationale. Et c'est de l'artiste Severin. Ça ira, tu verras. Suivi par Parasol. Alors, voici Severin. D'abord un vertige avant le saut dans le vide. Au début tu vas penser que vous pouvez tout sauver. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Après vos derniers cafés, lunettes noires sur le nez. Vient l'appel, le secours, les amis, les discours. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira. Passé quelques semaines, les crises d'angoisse, la haine. T'écumeras ton répertoire pour raconter ton histoire. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira. Alors les dîners de couple, pour qu'enfin tu la boucles, maintenant que tu parles trop. Parce que dans ta déroute, tu bois à ta santé, pour un semblant de liberté. Oh, ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira. Tu verras les dimanches et leur programme télé, les vacances en famille à pleurer sous l'oreiller. Tu t'en voudras d'avoir aimé pour mieux se déchirer. Tu te diras que la mort, ça n'est rien à côté. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira. Et puis. Tellement besoin des autres et des nouveaux amis entreront dans ta vie. Ça ira, tu verras. Et tu découvriras qu'il y a des milliers de choses que tu ne soupçonnais pas. Alors ton cœur apaisé supportera les dimanches, même jusqu'à les aimer. Le calme, le silence. Et en éteignant ta veilleuse, tu retomberas amoureuse. Hein? Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira. Plus je m'imaginais plus, je m'imagine plus sans toi. C'était sur mon premier disque, il y a quelques années déjà. Tu vois, j'avais pas menti, c'est toujours toi sous la douche. Et si t'as pas fait de conneries, y a que moi que t'embrasse sur la bouche. Tu vois, j'avais pas menti, et j'ai pas changé d'avis. On a pensé deux, trois fois à plus jamais se revoir. Et si tu t'en souviens pas, regarde l'état de cette guitare. C'est vrai que j'avais déconné, ça t'a servi d'exutoire. Depuis je me suis excusé, ça tient la route notre histoire. Et comme ça je t'ai proposé une idée pour cet été. On mettra des fleurs dans tes cheveux, dans un décor qu'on aime tous les deux. En se foutant des gens cyniques et des statistiques, on mettra des fleurs dans tes cheveux et des mouchoirs pour sécher les yeux. Cet été sous le parasol, on aura du bol. m'étais promis dans la vie, jamais finir dans un lit, avec une fille dans la mode, et le chat qui nous sourit. Maintenant que t'es devenu styliste, qu'on a joué au secouriste, on a au bout du plumard, une boule noire qui fait ses griffes. Depuis j'ai moins de certitude, et je me sens mieux sous la couette. Tu m'as dit oui sous la lune, le hasard fera le reste. On mettra des fleurs dans tes cheveux, dans un décor qu'on aime tous les deux. En se foutant des gens cyniques et des statistiques, on mettra des fleurs dans tes cheveux et des mouchoirs pour sécher les yeux. Cet été sous le parasol, on aura du bol. J'avoue, j'ai un peu flippé avec ta bague dans ma poche. Et quand je te l'ai proposée, c'était pas comme au Cinoche. Pourtant j'avais révisé, t'as trouvé ça trop mignon, tout ce que je voulais éviter. Mais personne l'a vu, c'est bon, et c'est bon pour continuer. J'en ferai une troisième chanson. On mettra des fleurs dans tes cheveux, dans un décor qu'on aime tous les deux. En se foutant des gens cyniques et des statistiques, on mettra des fleurs dans tes cheveux et des mouchoirs pour sécher les yeux. Cet été sous le parasol, on aura du bol. Cet été sous le parasol, on aura du bol. Alors, ça, c'était Severin. That was a musician called Severin singing you two songs there. The first one was called Ça ira, tu verras. It's okay, you will see. And the next one was Parasol, Parasol. This was from his a new album that just came out. This is from RFI, Radio France Internationale, qui nous envoie la musique moderne de France chaque mois. Maintenant, on va écouter encore quelque chose de nouveau. C'est Adrienne Poli, Je veux tout, je veux rien. Et ça va être suivi par Minou, Hélicoptère au pluriel. Et encore une, Agnès Bill, Le tango stupéfiant. L'homme de ma vie, quitter dans la nuit. Un gentil, un salaud, un paumé, un macho. Seul ou mal accompagné, j'ai jamais su décider. Livré sous la vérité, j'ai jamais su trancher. Si on s'aime ou pas, si on le fait ou quoi. Décide toi-même, et fin du problème. Je veux tout, je veux rien. On meurt. Embrasser le mur et sourire. Lui péter la gueule et courir. Du fruit de l'amour. Reprendre ma cache et carrefour. Me jeter par terre et gémir. Bouger le vent, mon corps, les bras. Sourire comme sur ma fiche. Love on the beach. Je veux toi si tu veux. Toi, mais on vient. Je veux tout. Je veux rien. Que tu me plaques, que tu me comprennes, que tu te braques. Mourir dans tes bras, Voici Minou. On était beau, c'était hier, bercé par les hélicoptères. Un peu de sable dans tes cheveux, d'azur s'embrasse parmi les feux. Plus rien n'est naissé sur nos terres, le ciel rempli d'hélicoptères. Ta main qui dessinait en l'air un paradis derrière la mer, un désert où tenait le son, loin de l'écho des oraisons. Ta main qui dessinait en l'air un paradis derrière la mer, un désert où tenait le son, loin de l'écho des oraisons. Au milieu des briques de poussière, détruites par les hélicoptères, paysages décors, paresseux, parlez le corps et mon curieux, brandissant les feux de l'éther, contre tous ces hélicoptères, résidents d'une pierre militaire, d'amour s'en va tout foutre en l'air. Ta main qui dessinait en l'air un paradis derrière la mer, un désert où tenait le son, loin de l'écho des oraisons. Ta main qui dessinait en l'air un paradis derrière la mer, un désert où tenait le son, loin de l'écho des oraisons. Où tenait le son, loin de l'écho des oraisons. It's time to give. Supporting KFAI is easy, affordable, and it ensures that we will stay on the air and in touch with our community. This is station manager Leah Honsky saying thank you for continuing to support community radio in the Twin Cities and around the world thanks to our mobile app and website. Donate today at kfai.org. Tune in to International Jazz Conspiracy now on Wednesday nights from 10 to midnight for 2 hours of eclectic music. An adventure in sound. A journey into the tone world. International Jazz Conspiracy, Wednesdays from 10 to midnight here on KFAI. Well, we heard Adrienne Pauly in Je veux tout, je veux rien. I want everything, I want nothing. And she has, about 10 years ago, she had her first album, but this one came out under the title, I mean, Je veux tout, je veux rien, is the album. And it's quite a hit in France with lighthearted and the refreshing results of this song of someone who wants everything and then doesn't want anything. Minou is actually not one. And Minou is actually a cat name in France. Kitty, kitty, kitty. But Minou is, pardon? C'est comme ça qu'on appelle les chats. Les chats, oui, oui. Minou. Mais de toute façon, Minou sang Hélicoptère. And Minou is actually a duo, a pop duo, founded by Pierre Simon et Sabine Quinet about 4 years ago. And they are, the interesting thing is that they were, what should I say, high school sweethearts. So they have been working together for quite some time. And, this album was done by Blancas. And basically, I mean, this is it's a very upbeat song, as the title might indicate. I mean, if you have a little cat that you call Minou Minou. So, and they are producing another album right now, or that's the main album into which this song will be part of. Merci, Olaf. Here's a couple of announcements of what's going on in the Twin Cities. Many classes starting up here at the Alliance Française. They are going to be giving one starting October 7th. That's a one-day class on France's Grande Guerre, France in 1916. This will talk about the battles of Verdun and the Somme, which were two key battles in World War I. 100 years later, discover the French perspective with Damien. This will be in French, of course. There are some 5-week topic courses, French for travelers. Are you going to go somewhere French-speaking? Well, it would make your travels a lot more fun if you could say something. And that would be the 5-week French for Travelers course. It starts on two times, September 15th through October 13th at 6 to 8, or Sundays, October 23rd through November 20th, 1 to 3. Another 5-week course will be about Stromae and beyond, exploring pop music. This is the superstar from Belgium, Stromae, that we heard just a while ago, will be conducted by Anna, making connections to French icons and learning more about his influences. French teachers, I think you should connect if you have renewal credits to make. I'm sure these would be allowed. Check with your schools. That Stromae in pop music is 5 weeks, Saturdays, October 22nd, through November 19th, 1 to 3. That's a Saturday class. And there are also the two tests, TEF, T-E-F, or TEF, T-E-F, Canada, the official documentation of your level for employees, employers, immigration, or for fun. There are several teachers that are doing this, Karine, Alicia, Alain, and Damien, according to your level. I suggest calling 612-332-0436 to register or register online. You can also take a placement test to figure out where you are with that. For the children, Saturday classes for kids and teens, you can they're now open. Register your child today, and you can see online the options for your children. Weekday classes for homeschoolers also. Let the Cultural Center at the Alliance be a resource for your family. Homeschool classes take place in the historic building and begin the week of September 12th. Say, Olaf, I went to that Porte Ouverte at the Alliance. Very, very interesting. And I finally understand how the Culture Tech works. It's a fantastic advantage for those who belong to the Alliance Française. You can go at home and go online and find out the latest things, daily newspapers, magazines, music, all kinds of terrific things on French culture. There are other things available for those of you who are interested in membership. You can receive discounts to many things, including the Minnesota Renaissance Festival, weekends through October 2nd. This weekend, it will be a pet fest, September 17th through 18th. A great play is coming on called The Liar. It's on now. It's playing at the Park Square Theater in St. Paul, September 9th through October 2nd. And there is a reduction for Alliance Française members. This play is based on Le Menteur by Pierre Corneille, an adaptation in English, of course. And what is it? Well, one Cliton can't tell a lie, but his master, Dorante, can't tell the truth. Dorante is in hot pursuit of one woman, but thinks she is another, which leads to an amazing mix-up and breathtaking, intricate lies, sharp and saucy with modern language. That sounds good, doesn't it? Yeah, that sounds very good. Yes, it does. Well, that's about it. Let's get into some music, unless you... Yeah, well, let's... Oh, Dan Newton. Yes, they will be giving their CD release on the 29th at the Dakota. At the Dakota, and the Cafe Accordion Orchestra. And then we need to look at Francine Roche and... Yes, she's going to be playing at the Honey Lounge coming up. I believe this is coming. Do you have a listing? Let me see. I'll check this. Let me check it out. But I saw Francine at the... Francine Roche also teaches at the Alliance. So she told me that they were going to have something. I believe it's this week. Yes. If you can check it, that would be great. Well, Thank you. I'll try and see what I can do there. Dan Newton has many, many things coming up. You can check him out online if you wish. St. Anthony Park coming up. Oh, this is in June. My. But that record release will be at the Dakota downtown. I believe it's their 10th album coming up. Let's see if there's something else. Oh, yes, here's something more. Question d'expat. Your questions about expatriates, about their financial problems. That's going to be the 15th of this month at 6 p.m. to 7:15. S'installer à l'étranger est toujours un défi et dans ce cadre, l'on a parfois besoin de go online to read more about that. There's a group called Les Navigateurs de la Littérature and they will be reading together and they're going to be reading, let's see. I can't see it from this printing. That will be at the Alliance Française on the 14th, which is tomorrow night, from 6 p.m. to 8:30 p.m. And for those of you beginners, Lecture Facile, Les Misérables, on the 17th, 2:30 to 3:30 in the afternoon at the Alliance. The club is open to everyone, so you can practice your reading skills and pronunciation with reading. Movies in the Park. Oh, I have been wanting to see this. I never saw Les Triplettes de Belleville. Oh, c'est très bien. Oui, c'est absolument. Animated film. That's going to be an outdoor screening of Les Triplettes de Belleville at Gold Medal Park on 9/19 at 7 to 8:30 p.m. That's a great story about three old ladies and they are trying to solve a crime. Did you find out about Francine? Yes, yes. For this month, I think we didn't announce it, or we may have announced, but basically, Mark Stillman and Francine Roche will have an international cabaret night at the Honey Lounge. And the next one... Now, that's where? The next one is at is on October 6th. So it's always on a Thursday. Thursday at the yes. Honey Lounge. So this is at Honey Lounge on October 6th. We will repeat this next. Now and this the Honey Lounge is on 205 East Hennepin Avenue. It's in the downstairs part of It's the downstairs part restaurant. Of what used to be the, well, Ginger the Hop. The Times, I think. Or Ginger Hop or something. Yes, like now it's but anyway, Ginger Hop. It's 205 East Hennepin Avenue, so you'll find it. Right. And they really, these international nights or have all kind of music, but with Francine Rush, you can certainly bet on some French songs. And they start at 7:30 in the evening, from 7:30 to 9. Mm-hmm. And you can dance to that. Oh, yes. Oh, yes. That would be nice. Danceable music. Danceable by Francine Roche and Mark Stillman. Another announcement from the Alliance. On the 20th, from 6 to 8, Apéro de la Rentrée. And that's going to be a get-together at the Alliance Française. And you can go for famous apéritifs and I imagine some kind of wonderful snack. And I guess that is the last of those. Well, one of the news items from RFI had to do with the fact that the German police had actually arrested three suspects who may have been involved in planning the big Paris terrorist attack. Oh, my. So I hope they've got the right people. And I do, too. So that's the last, and that's just yesterday or so. Well, I read in the paper, it was quite a small announcement. There was another attempt by three women this time who were going to drive a car loaded with gas into Notre Dame and blow it up. But fortunately, the police were onto them and caught them before they had were able to do this. And they were members of a terrorist group. But Notre Dame, I think they have, not barriers, but they have kind of stone pillars around so a car wouldn't be able to get that easily into it. So whatever were these women thinking. But I think that's the first time they've had women. Yeah. That's terrible. Eh bien, alors, notre musique ici. Alors maintenant, on va écouter... Agnès, est-ce qu'on a joué Agnès Mille? Non. C'était celle qui a parlé de « J'aimerais pas faire la vaisselle » ou quelque chose. Agnès Mille, elle avait une chanson. « Faites l'amour et pas la vaisselle. » »« L'amour et pas la vaisselle. » Alors, cette fois, elle chante le tango stupéfiant. Ça va être suivi par Mathilde. Une chanson douce. Et pourquoi pas une troisième, acatique. Acatique. Décroissance. Toutes de nouvelles chansons par RFI, Radio France Internationale. Et la rédacteur ou la sélection a été faite par Clémentine Desroudilles à RFI Média Partenaire. Il faut quand même dire qu'elle met ça chaque mois. Elle essaie de faire une compilation, une sélection de 100% français. Une annonce d'abord. KFAI is supported in part by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated in South Minneapolis, Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the South Side and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods. Information is available at southsidepride.com. Support for KFAI comes from the Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. Well, I won't back down. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin, or at efetus.com. So what is the Wave Project? It's a celebration of Frank Zappa, Dungeons, Dragons, Goldfinger. By comparing modern science with ancient Indian Vedic scriptures. As we tackle autism and football. The possibilities are endless. You provide the idea and host your own show. We provide the engineer and promote it during the week leading up to your show. Visit our website at kfai.org/waveproject. For more information and an application to host your own one-hour radio program. The Wave Project. It's anything you want it to be. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer maintenant? Trois chansons, si on peut. Alors, trois chansons, si on peut. Après trois semaines entières, d'un bonheur que rien n'altérait, mon amant dont j'étais si fière, un triste matin me plaquait. Pour calmer mon âme chagrine, je résolus en un sursaut de me piquer à la morphine ou de sniffer de la coca. Mais ça coûte cher, tous ces machins. Alors pour fuir mon noir destin, j'ai fumé de l'eucalyptus et je m'en vais à la dérive, fumant comme une locomotive, avec aux lèvres un rictus. J'ai fumé de l'eucalyptus. Dès lors, mon âme torturée ne connut plus que d'affreux jours. La rue du désir fut barrée par les gravats de notre amour. J'aurais pu, d'une main câline, couper le traître en petits morceaux, leur coller à la scotine pour leur découper aussitôt. Mais je l'aimais tant, l'animal. Alors pour pas lui faire de mal, je prisais de la naphtaline les cheveux gars, l'œil hérissé. Je me suis mise à me fourrer des boules entières dans les marines. J'ai prisé le naphtha. Là, Jésus-Marie, c'est stupéfiant comme résultat. Au lieu de m'alléger la vie, je me suis alourdi l'estomac. J'ai dû prendre du charbon belloc, ça m'a fait la langue toute noire. Que faire alors, j'ai pauvre loc, essayé un autre exutoire. Car le pire, c'est que j'ai pris le pli. Et c'est tant pis quand le pli est pris. Je me pique à l'eau de Javel pour oublier celui que j'aime. Je prends ma seringue et j'en bois même. Alors il me pousse des ailes. Je me pique à l'eau de Javel. All right, we heard Agnès Biel, who has come out with a new program and CD, and the song you heard was a tango stupéfiant. Surprising, stupefying tango. And you heard the song, you heard the rhythm, which was tango, but it was quite astounding and upsetting. And it comes from a album that's called Tout Fout Le Camp. Everything goes down the drain. And she's been doing album and stage shows, and her show Cabaret is the one in which she kind of played this or sang this or presented the song as some kind of a... Il faut dire au revoir. Oh, il faut dire au revoir. Mais oui, c'est... Oh là là, le temps passe. Le temps passe. Au revoir, Caril. On va remercier. Avec quelque chose par Dan Newton's Café Accordion Orchestra. Et c'est Benzino. All right, and thank you very much, and thanks again for our guest, Claire. Alors, on écoute un peu de Dan Newton. C'est un toro qui s'appelle Benzino.